Les centaures, deuxième partie. D'un lourd sommeil, agité et coupé de visions affreuses, Cadilda s'éveille. Elle se soulève sur les mains et regarde autour d'elle. L'ombre emplit la caverne. Pourtant, vers l'entrée, une lueur jaune annonce l'aurore. Fatigués de la lutte, les centaures dorment encore. Leurs grands corps sont allongés sur le sol. Les poitrines puissantes aspirent l'air et le refoulent tour à tour. Une puanteur qui se dissipe à peine pendant le jour épaissit l'atmosphère. Une plainte étouffée monte dans un coin, s'éteint en un soupir. La pensée de Cadilda s'éclaire. Tout à l'heure, comme chaque matin, ce sera le réveil tumultueux. Les gros rires, les claques sonores sur les cuisses, les bousculades familières. Tout à l'heure, Papa Cal réclamera sa présence. Elle devra panser ses blessures, le regarder souffrir, laisser sa propre main dans la main moite du centaure, et, quoiqu'il ne soit point cher au cœur de la Vierge, les griffes de la mort qui déjà l'enserrent lui feront mal à elle-même. Et les choses affreuses pénétreront dans son âme. De ses prévisions, une lâcheté s'insinue en elle. Et brusquement, l'envie irrésistible la saisit de fuir le blessé, de fuir ses frères aussi, de se laver dans l'air libre et dans la lumière naissante des impuretés qui l'imprègnent. Doucement, Cadilda redresse son buste, rassemble ses jarrets et s'arc-boute. Quand Clévorac parle, la loi est de lui obéir. Mais les libres centaures sont maîtres d'eux-mêmes dès que sa voix se tait. Sans bruit, la centauresse soulève un à un ses sabots, les repose sur le sol avec précaution, gagne l'ouverture toute proche. En travers est couché le corps de Caplam, cette nuit gardien du seuil. Son flanc pommelé s'enfle et s'abaisse tour à tour. Pour ne point l'effleurer, Cadilda retrousse de la main le panache blanc de sa queue et elle l'enjambe sans le toucher. En trois bonds, elle est dehors. Alors elle se secoue pour se débarrasser du sable et des brins de paille dont elle est couverte. Dans ses cheveux emmêlés, elle passe ses doigts et les repasse. Puis, rejetant son buste en arrière, les mains croisées sous la nuque, elle s'étire, bâille longuement et respire avec délice l'air salubre. Derrière le rideau éternellement vert des pins, et derrière les montagnes qui le dominent, le Père Soleil n'est pas encore surgi. Mais déjà des lueurs indécises l'annoncent. En face, à l'autre horizon, un pareil rayonnement rose se reflète au-dessus des brumes qui dorment sur les flots. Toute grise, la mer murmure très bas, comme vagit, avant de s'éveiller, un centaurin nouveau-né. À peine se rident quelques vaguelettes nonchalantes. Les rochers protecteurs sont semblables à des mammouths terrassés. Les oiseaux dorment sous les ramées. Les bois se taisent. Dans la nature, Cadilda seule a les yeux ouverts. Pour elle seule renaît la beauté lumineuse du jour. Et tout à coup, un frisson descend du cou de la centauresse, longe son dos, parcourt ses membres, hérisse sa peau. Peut-être elle sent le froid du matin. Peut-être une petite peur enfantine la trouble du silence épandu autour d'elle, de sa solitude, de la majesté calme des choses. Elle se secoue, fait un bond, épie à droite et à gauche, incline la tête, renifle, frissonne de nouveau, et soudain, d'une brusque détente de ses jarrets, avec un cri de mouette, elle s'élance follement sur la grève. Le nuage blond de ses cheveux, le nuage blanc de sa queue, flotte derrière elle. De temps en temps, elle se retourne, jette un autre cri et puis repart de plus belle, dévorant l'espace. À mesure qu'elle galope, la chaleur recrée ses membres et la gaieté renaît dans son cœur. Où ira-t-elle? Instinctivement, sa course l'a entraînée vers le sud, du côté opposé à celui où se livra l'affreuse bataille. Tout à coup, une idée l'enchante. Elle suivra la côte jusqu'à la rivière aux cygnes et puis elle la remontera, s'enfoncera dans les bois où s'enveloppe son cours sinueux. Depuis plusieurs saisons, les centaures n'ont point porté leur chevauchée de ce côté. La Vierge Blanche ne sera pas troublée dans la journée de solitude qu'elle souhaite, et une curiosité la démange de parcourir ces contrées inconnues. La peur d'un danger ne saurait l'effleurer. N'est-elle pas la fille de Clévorac, le dominateur? D'un pas ralenti, Cadilda franchit le cap pierreux où se termine le promontoire des Roches Rouges. Avec précaution, elle escalade les blocs de granit, évite de poser son sabot sur les algues gluantes, s'enfonce de temps en temps jusqu'aux genoux dans les flaques salées tapissées d'oursins, d'herbes multicolores et d'étranges anémones aux reflets nacrés. Les poissons de roche fuient sous ses pas. L'eau grésille parmi les cailloux poreux. L'odeur vivifiante de la mer pique les narines. L'espace rocheux est vite parcouru. Les pieds de Cadilda foulent de nouveau le sable. Maintenant, la plage du Midi s'étend à perte de vue. La rivière aux cygnes est invisible. À peine, tout là-bas, l'indique une tache argentée. Brusquement, l'œil éclatant du soleil s'ouvre au-dessus des pins, embrase les roches rouges, en projette sur le rivage les ombres massives. Des chants d'oiseaux s'éveillent. Au-dessus des flots, les goélands l'emplanent, se laissent tomber dans des chutes soudaines et reprennent leur essor, un poisson frétillant au bec. Devant elle, l'espace ouvert grise la centauresse. De nouveau, elle jette un cri aigu, frappe ses mains l'une contre l'autre, s'envole d'un galop léger qui effleure à peine le sable et surprend au creux des dunes les bécassines effarées. Dans l'allégresse qui l'inonde, Cadilda rit toute seule à la gloire du jour naissant. Et, à la manière des centaures, quand ils se défient au jeu de la souplesse, elle renverse à plusieurs reprises son buste en arrière, si adroitement qu'elle caresse son visage du panache de sa queue, brusquement ramené d'une ruade. Puis, avec un éclat de rire plus aigu, elle se redresse et redouble de vitesse, poursuivie par le nuage de sa chevelure dorée de soleil. Paisible, la rivière aux cygnes mêle ses eaux lentes aux eaux toujours grouillantes de la mer. La centauresse, hors d'haleine, s'arrête sur la berge sablonneuse. Tout là-bas, derrière elle, les roches rouges ne sont plus que des fantômes noyés dans la brume du matin. Cadilda se réjouit de sa solitude. Pour se rafraîchir, elle s'enfonce dans l'eau jusqu'aux genoux, puis jusqu'au bas-ventre. Brusquement, elle s'y plonge tout entière et ressort ruisselante comme un triton. D'un seul coup, sa fatigue est dissipée. Le père soleil l'aura vite séchée. Ragaillardie, elle reprend sa route. Maintenant, la rivière sera son guide. Elle serpente, paresseuse entre les pentes douces de ses rives, s'enfonce peu à peu entre deux rideaux de verdure. D'un pas nonchalant, Cadilda chemine le long de l'eau claire, guigne autour d'elle curieusement, se complète au vol des libellules et au piaillement des oiseaux. Bientôt, au pin maritime, succède une végétation moins sombre et plus variée. Des aulnes et des saules chatouillent de leurs chevelures les eaux tranquilles. Les berges se couvrent de roseaux et de nénuphars. Sur le passage de la Vierge, les poules d'eau se lèvent lourdement. Les martinets multicolores pourchassent en zigzag les papillons. Les cygnes blancs nagent avec majesté. Dans la vie riche et calme qui l'environne, Cadilda oublie les images affreuses qui l'oppressaient. Elle se réjouit de la délicatesse gracile des herbes, de la variété des fleurs chatoyantes, de la beauté noble des essences forestières. Parfois, elle enfonce jusqu'au ventre parmi les fourrages, et puis les feuillages qui pendent l'obligent à courber le front. Elle se grise des parfums qui montent à ses narines, tantôt côtoyant la rivière et tantôt par fantaisie poursuivant un insecte à travers les fourrés, brisant les lianes et les ronciers, égayée de surprendre la fuite des mulots et d'éveiller dans sa course brusque les appels criards des merles et des sansonnets. Tout à coup, sur un tertre moussu, au pied d'un chêne, elle aperçoit à quelques pas la silhouette comique du lapin. Il est assis sur son derrière et, alternativement, fait aller ses oreilles de droite à gauche. D'un sifflement amical, Cadilda le hèle. Mais Tutule est né et restera défiant. Il tressaille, bondit, et, au moment où débouche la centauresse, son derrière blanc disparaît dans le terrier. Malicieuse, Cadilda s'accroupit à côté du trou, de manière que ni son ombre ni son odeur ne la dénoncent. Et, dès que pointe à nouveau le nez bougillon de Tutule, elle abat brusquement sa main sur le cou fourré, se redresse en riant et soulève le poltron par les oreilles jusqu'à son visage. Reconnaîtra-t-il la fille des dominateurs et combien fut vaine sa terreur? Mais, inutilement, Cadilda essaie de calmer Tutule par de bonnes paroles et des caresses. Le faible cerveau du bonnet est affolé. Ses yeux roulent dans leurs orbites. Tout son corps tremble et se débat convulsivement. Il voit la mort. Cadilda a pitié de lui. Elle passe la main sur son pelage bistré et le pose à terre. « Sois donc heureux, mon petit frère. » La stupeur laisse Tutule immobile. Avant qu'il recouvre ses esprits, la centauresse s'est de nouveau engloutie dans les taillis. À cause du chemin parcouru et du soleil qui monte au ciel, Cadilda sent la soif et la fatigue. Un centaure, quand il le faut, s'est resté 3 jours sans manger et ne perd rien de sa force. Mais la gourmandise incline cependant la Vierge vers les baies multicolores qui se cachent dans les buissons. La saison des fruits commence à peine. D'ailleurs, ni l'olivier, ni la vigne, ni l'amandier, ni l'oranger au feuillage luisant, tous chéris des centaures, ne croissent sur les bords humides de la rivière aux cygnes. Mais les taches rouges des fraisiers ensanglantent la mousse, et des fourrés de groseilliers offrent leurs baies glauques à portée de la main. Cadilda en choisit les grappes les plus mûres, les égrènes goulûment dans sa bouche. Quant à l'égorgée de fruits roses et blancs, elle bâille. La saveur aigrelette l'a un peu étourdie. Après le sommeil, ses pieds la porteront plus légère. Cadilda fait quelques pas dans les fougères qui lui montent plus haut que le poitrail. Et puis, tournant en rond 2 ou 3 fois sur elle-même pour rendre sa couche plus moelleuse, elle s'accroupit, détire ses membres et s'endort. Autour d'elle, les fougères se sont redressées. Quand, renaissant du sommeil réparateur, Cadilda ouvre ses yeux, quelques secondes elle demeure alanguie. Au-dessus d'elle, parmi les branches, les écureuils se lutinent. Immobile, la centauresse se réjouit de la grâce agile de leurs corps sveltes, de la houppe des queues, de l'éclat brun des yeux vifs. Tout à coup, les écureuils s'arrêtent, inclinent leur cou mutin, semblent écouter. Leurs yeux se fixent, inquiets. Puis, d'un seul coup, comme à un signal donné, il s'élance dans le feuillage, saute de branche en branche, gagne l'arbre voisin. Ils ont disparu. Cadilda, sans bouger, prête l'oreille. Quel est le fauve dont l'approche a terrifié le petit peuple roux? L'ouïe subtile des centaures leur permet, sans les voir, de reconnaître presque à coup sûr la race des bêtes qui cheminent. Parmi les rumeurs confuses de la forêt, la Vierge perçoit le bruit net d'un pas qui s'avance, foulant bruyamment les herbes. Mais, bien que son oreille s'appuie sur le sol, elle se dépite de ne pas deviner quelle est la famille du marcheur. Ce n'est ni le glissement des félins, ni un claquement de sabots pleins ou fourchus, ni le trot menu de l'ulle, ni celui d'aucune des bêtes dont les noms s'offrent à son esprit. L'attention de Cadilda s'aiguise, d'étonnement ses yeux s'arrondissent. Ou elle est folle, ou l'inconnu va sur deux pieds. Or sa démarche n'est pas celle de Pirippe, dont les sabots résonnent plus secs sur le sol, ni celle de Ful, le macaque, plus souple et plus léger, quand par hasard il descend des arbres. Maintenant, il est à trois pas d'elle. Jusque dans les fougères qui l'entourent, Cadilda perçoit une ondulation. Intriguée, elle se soulève en faisant craquer les feuillages, regarde et jette un cri de stupeur. Devant elle se dresse un être tel qu'elle n'en a point vu. Sa taille est à peu près celle de Pirippe et de ses frères. Comme eux, il se tient debout sur deux pieds. Mais son aspect chétif n'a rien de la force joyeuse des faunes. Une fourrure le couvre depuis l'épaule jusqu'en haut des cuisses. Le reste du corps, le visage et les membres apparaissent dépourvus de poils, d'une chair blanche et rosée, pareille à celle des cochons de lait. Sous le front sans corne pour le défendre, un visage mobile et blafard atteste la peur. Deux yeux pâles comme la mer lui donnent une douceur triste. Au bout des bras maigres et blancs, des petites mains frêles sont incapables d'étrangler un ennemi ou de brandir une massue. Les pieds ne sont pas protégés par des sabots, mais ils sont en chair molle que les ronces ont ensanglantée. À l'aspect de la centauresse, l'inconnu lui aussi a poussé un cri et s'est rejeté en arrière pour prendre la fuite. Mais comme elle est restée immobile, son torse seul émergeant des fougères, il demeure le jarret plié, hésitant, et la considère d'un œil à la fois craintif et curieux. Sa main droite serre désespérément un mauvais fétu que Cadilda briserait entre deux toits. Mais, dominant l'inconnu de la hauteur de son poitrail, elle ne songe pas à le molester. Le premier étonnement passé, elle s'émeut de sa faiblesse et de sa laideur, et, afin qu'il cesse de s'effrayer, elle frappe dans ses mains et se met à rire. L'inconnu l'imite. Il choque ses paumes l'une contre l'autre et, entr'ouvrant ses lèvres minces, en fait jaillir un ricanement. Alors, d'une voix qu'elle adoucit, la centauresse l'interroge. Quel est son nom? D'où vient-il? Où est sa tribu? A-t-il juré la trêve de Clévorac? L'inconnu écoute attentivement. Son visage reste stupide. Il secoue la tête et, à son tour, se met à parler. Mais son langage est criard et confus. Il enfile des sons inintelligibles qui tiennent à la fois du sifflet du merle, du hurlement du chacal, de toutes les voix du peuple des bêtes. Et tout cela se mélange dans une ridicule cacophonie. Au moyen de grands gestes, il montre l'Orient et puis le couchant, agite ses bras malingres, crie plus fort avec une étonnante volubilité et semble attendre une réponse. À ces insanités, la centauresse hausse les épaules. Pourtant, malgré sa faiblesse d'esprit, l'inconnu peut-être saura dire son nom. Dirigeant son doigt vers sa propre poitrine, Elle le prononce. Cadilda. Le bipède a compris. Il la désigne du doigt et répète. Cadilda. Et puis, le tournant vers lui-même, il articule. Naram. Après lui, la voix de la Vierge, sonore comme un buccin auprès de la sienne, redit « Naram !» Et, en même temps, tous deux, à plusieurs reprises, se désignent alternativement et répètent à l'envi « Kadilda Naram !» Et, de s'être ainsi entendus, ils se sentent moins éloignés et à la fois ils éclatent de rire en battant des mains. Puis Naram semble de nouveau interrogé. Sous sa langue, les sons se précipitent si rapidement qu'un vertige en bourdonne aux oreilles. Enfin, comme la centauresse se tait toujours, il a un signe moins inintelligible. À plusieurs reprises, il lève la tête, avance la lèvre inférieure et y porte le creux de la main repliée. Cette fois, Cadilda l'a compris. Naram a soif. Elle sent sa pitié renaître. Quoi, quand à peine la rivière est à 2 ou 3 portées de la voie, l'odorat du malheureux ne l'avertit point de sa présence? Si faible et stupide, quel destin est le sien? Du poitrail, la centauresse écarte le fourré des fougères et des groseilliers et elle fait signe à Naram de la suivre. Mais quand elle se retourne, elle l'aperçoit immobile, la bouche ouverte, les yeux exorbités, et qui, des pieds à la tête et de la queue au poitrail, la contemple. Cadilda rit. Pensait-il qu'elle fût comme lui, vacillante sur 2 maigres pieds de chair molle? À côté de la robuste centauresse, campée sur ses jambes musclées aux sabots durcis, l'inconnu est plus frêle encore et plus pâle. Mais, brusquement, il semble prendre son parti. D'un air délibéré, il fait 2 pas, allonge le bras et pose sa main sur le flanc de la Vierge. Cadilda tressaille et se recule. Quelle est l'effronterie de Naram pour que, sans y être invité, il ait osé toucher du doigt la fille des dominateurs? Aussi, du contact de sa peau lisse, un dégoût bizarre monte au cœur de la centauresse, comme si elle venait de frôler une chair vive écorchée. Elle ordonne en grossissant la voix. « Ne me touche pas !» Mais Naram ne paraît point l'entendre. À la stupeur de la Vierge, son corps se découvre soudain nu et blanc comme ses membres, et il balance dans la main droite la toison qui tout à l'heure le recouvrait. Et, tandis qu'effrayée de ce prodige, elle porte alternativement les yeux du torse étroit à la peau arrachée, cherche des traces de blessures, l'inconnu s'approche de nouveau avec des gestes qui invitent. Tel est l'étonnement de Cadilda qu'elle ne se dérobe pas quand, de rechef, la main de Naram se pose sur ses flancs, les frappe à petits coups, palpe son épaule inférieure. Invinciblement, ses yeux demeurent rivés sur ceux de l'inconnu, dont l'éclair bleu la fascine, et elle oublie de repousser la caresse étrange qui parcourt ses membres. Mais, tout à coup, la Vierge indignée sursaute. Voici que, sournoisement, Naram s'est baissé, et, de la toison dont il s'est dépouillé, a entortillé les pieds de devant de la centauresse si singulièrement que Cadilda trébuche, sans ses mouvements embarrassés. D'une ruade, elle s'est libérée. La colère brille dans ses yeux. Qu'ose donc prétendre cet avorton qu'elle terrasserait en se jouant? Naram ne se trouble pas. Il porte 2 doigts à ses lèvres, en tire un long sifflement, puis rit d'un air rassurant, et se met à parler de nouveau de sa voix aiguë, à laquelle l'oreille de la Vierge commence à s'accoutumer. Les centaures ne supportent point une tension prolongée de l'esprit. Les idées de Cadilda deviennent confuses. Machinalement, ses yeux restent fixés sur la toison rousse que l'inconnu ramasse. Elle renifle, sa stupeur redouble. Jamais Kadilda n'a vu le pareil de Naram, et pourtant il lui semble reconnaître l'odeur de la peau qui touche ses membres et qui est la sienne. La centauresse dresse la tête et vise autour d'elle. Voici que des sifflements pareils à celui qui sortit de la bouche de Naram ont retenti dans les bois. Sans doute ses frères approchent. Quel est leur dessein? Naram porte de nouveau ses doigts à ses lèvres, siffle et s'avance. À son bras pend la toison dont Kadilda, le cou tendu, les narines dilatées, hume le relent singulier. Croc! La Vierge a poussé un cri d'horreur, bondit en arrière, le poil hérissé. La mort. Naram porte la mort sur son bras. L'odeur qui émane de la peau suspendue, c'est l'odeur sinistre du sang de Gali, l'antilope rousse qui a sur ses épaules un tel pelage. Mais alors, comme les ronds se multiplient sur l'eau, autour de la chute soudaine d'une pierre, le chant terrible de Pitina revit aux oreilles de Kadilda. Elle tremble sur ses boulets. Tout près d'elle, les sifflements redoublent, les feuillages craquent. À l'appel de Naram, ses frères accourent. Ses frères à la peau blanche, à l'œil bleu, aux membres malingres. Ses frères, les maudits, dont le nom seul est une souillure. Avec un hurlement, Kadilda s'élance dans les halliers. Sous le choc, les buissons s'écrasent, les arbrisseaux se rompent comme des fétus. Une course échevelée l'emporte à travers les fourrés, où sa peau se déchire, où s'arrachent des mèches entières de ses cheveux. Qu'importe, une seule pensée illumine son âme, fuir, fuir à tout prix. Elle croit encore entendre à son oreille le signal affreux des écorchés. Elle redouble d'efforts, la rivière est vite loin. Voilà devant elle la grève ouverte, Kadilda s'envole éperdument. Hors d'haleine, ruisselante de sueur, les jambes recrues, elle s'abat sur le sable. À quelques portées de voix, les roches rouges hérissent leur masse protectrice qui illumine les feux du soleil couchant. L'horizon mauve, jaune et rose est sans nuages. La mer sent bon, chante à mi-voix et balance, monotone, ses vagues. La brise est suave. De toutes ces choses familières, un réconfort naît au cœur de la Vierge. Le tumulte de ses pensées s'apaise. Une question se pose. De sa rencontre, que dira-t-elle à ses frères? Tout à l'heure, dans l'horreur première qui l'a convulsée, aucun doute n'effleurait son âme. À sa voix dénonciatrice, les centaures jetteraient le cri de guerre. Un seul élan les emporterait jusqu'à la rivière aux cygnes afin d'y exterminer les maudits. Et voici maintenant que Kadilda hésite. De conter son aventure, une sorte de honte l'oppresse. Questionné, un centaure ne sait point mentir. D'avance, la Vierge souffre de dire comment elle aperçut Naram, que tous deux tentèrent de se comprendre, que la main de l'écorché se posa sur elle. D'avance, elle s'irrite des gros rires que soulèvera son récit, des plaisanteries de Arc, de Colpitru et des autres mâles. Aussi, malgré les malédictions de Pétina, une pitié la saisit du carnage dont sa parole donnera le signal. Certes, la vieille a justement dénoncé le peuple immonde des écorchés, mais Kadilda a vu de ses yeux leurs membres débiles. La plupart des animaux de la forêt les surpassent en force et en agilité. Toute leur malice ne peut faire d'eux un danger pour le peuple roi. Le souvenir du combat de la veille contriste encore le cœur de la centauresse. Il lui paraît intolérable de sentir de nouveau l'odeur affreuse du sang. Et, tout à coup, d'un geste brusque, elle se bouche les oreilles. Voici qu'elle a cru entendre le craquement des os de Naram, le chétif, sous les sabots énormes de Colpitru. le parti de la Vierge est pris. Sa langue ne réclamera point le sang des impurs. Elle ne se mêlera point à leur destin. » Satisfaite, Cadilda se relève, lave ses canons dans les vagues, lisse ses cheveux et gagne à pas lents les roches rouges. Elle franchit de nouveau le promontoire pierreux. Tandis que Ekem a conduit aujourd'hui au camp de Reki la moitié du peuple, le reste, le jour durant, a flâné sous l'abri des pins. Maintenant que le soleil va s'éteindre, ils sont descendus tous ensemble sur la plage. Accroupies et nonchalantes, les centauresses débarrassent leurs chevelures des débris de bois, des feuilles et des ronces qui s'y sont emmêlées. En les frottant de sable et d'eau, elles effacent les taches de boue qui souillent leurs jambes et leur ventre et, s'aidant l'une de l'autre, elles poursuivent leurs puces et les font craquer sous leurs ongles. Parmi les mâles, les uns se livrent à la lutte, au saut et à la course. Et les autres, debout autour des jouteurs, admirent leur prouesse. Tout à coup, Arc et Colpitru ont terrassé leurs frères. Et maintenant, dressés l'un contre l'autre, ils s'empoignent et entrecroisent leurs jambes, chacun cherchant à jeter l'autre sur le sable. Plusieurs fois, Colpitru a fait plier les reins au centaure rouge en l'écrasant de sa masse. Chaque fois, Arc a su se dérober à son étreinte et, revenant sur le géant, l'a secoué durement. La sueur ruisselle sur les pectoraux. Les veines des coups se gonflent. Front contre front, torse contre torse, les bras noués, les lutteurs s'obstinent. Et, peu à peu, du combat simulé, leurs humeurs farouches s'exaspèrent et c'est avec des ronflements de colère qu'ils se ruent l'un contre l'autre. Aussitôt, l'autorité de Clévorac s'interpose. À sa voix qui commande le repos, ni Arc ni Colpitru n'ose désobéir. Ils se séparent, leurs regards s'éteignent, et, félicités de tous, ils s'acheminent vers la mer pour se baigner avant l'heure du repos. Parmi leurs frères, nul n'interroge la Vierge. Paternel, Clévorac se réjouit de la revoir. Mais un centaure ne cède point aux tendresses pusillanimes. Il passe et repasse sa main sur les cheveux blonds de sa fille et lui montre du doigt Papacal, qui, plusieurs fois dans le jour, a réclamé son visage. Le blessé repose sur un lit de varech près de l'entrée des roches rouges. La centauresse s'approche de lui, mais dans la fièvre et la douleur, il ne la voit point. Un souffle rauque s'échappe de sa poitrine. Une bave sanglante découle de sa bouche. De son corps se dégage une affreuse odeur de sang putréfié. Avec répulsion, Cadilda regarde la vieille Urico appliquer ses lèvres sur les plaies pour en sucer le venin secret. Son cœur se révolte et elle s'éloigne. Quand la nuit est tombée, Cadilda s'étend à sa place accoutumée, à l'écart du reste de son peuple. De nouveau, comme la veille, trop de pensées se pressent en elle et chassent le sommeil. Elle repasse indéfiniment tous les détails de la rencontre qu'elle a faite. Devant ses yeux, voici le corps blême de Naram et ses membres grêles. La parole de l'inconnu résonne encore à son oreille. Et aussi, comment il a prononcé son nom, Cadilda. Et, à plusieurs reprises, les lèvres de la Vierge s'agitent et elle répète à voix basse « Naram ». Elle se souvient aussi comment la main très douce s'est posée sur son flanc, tandis que se fixaient sur elle les yeux pâles, étincelants. Et Cadilda frissonne, sans doute d'horreur. Trois soleils se sont levés et couchés depuis que Papacal est tombé sous la griffe de l'ours géant. Ainsi s'est écoulé le délai légal. Lorsque le quatrième soleil illumine les cimes mouvantes des pins et le dos des roches rouges, les centaures, comme ils ont fait chaque matin, transporte le blessé sur le sable afin qu'il respire l'air vivifiant et se délecte encore une fois de la lumière. Puis ils demeurent autour de lui, les visages pensifs. Clévorac s'avance dans le silence et interroge d'une voix grave. « Frère, prononce ton destin. » Papa Cal lève sur le chef son œil mourant, le vise en face et approuve de la tête. La loi des centaures est juste autant qu'inéluctable. Celui que la vieillesse, l'infirmité ou la maladie rendent incapable de franchir, dans le temps fixé, la distance réglementaire ou de satisfaire aux épreuves du saut et de la lutte, ne demeurera point un fardeau inutile de sa tribu et de la terre. La nature lui annonce que son temps est accompli. Donc, après 3 jours, si ses forces ne sont point revenues, lui-même entonne son chant de mort et accepte sa destinée. Pitina seule, à cause de sa science, est exceptée de la règle. Papa Cal connaît la loi. Un centaure ignore la peur. Le blessé ferme les yeux pour recueillir sa vigueur et, d'une voix qui ne tremble point, il chante quels furent ses exploits. À chaque pause, le cœur reprend ses dernières paroles et célèbre la bonté et le courage de Papa Cal. La dernière strophe a vibré. Après le mourant, toute la horde a redit les paroles séculaires qui affirment, par-delà la mort de chacun, la pérennité de la race. Dans la joie sereine du matin, Clévorac prescrit, selon le rite ancestral, « Frère, dis ta volonté ». Les yeux du centaure parcourent encore une fois la troupe immobile de ses frères, s'arrêtent sur la Vierge à la chevelure blonde. Que le visage de Cadilda soit le dernier que je verrai. Nul ne désobéit au désir de celui qui va mourir. Bien qu'à l'idée du meurtre, la Vierge ait froid dans les os, elle réprime son émoi et, pâlissante, se tient en face de Papa Cal qui la contemple et sourit. À la droite du condamné, Pitina l'ancienne est venue se placer. De l'autre côté, Arc est debout. Entre ses mains est la massue consacrée, l'omoplate de mastodonte. Tout autour, le cercle des assistants est immobile. Celui qui va mourir commande. Pitina dit le chant. La vieille étend ses mains maigres au-dessus de Papa Cal et sa voix aiguë monte dans l'air. Elle bénit le soleil qui donna à Papa Cal l'étincelle de vie, la terre qui lui offrit ses fruits, l'eau qui l'a désaltérée. Papa Cal a vécu, il a mangé, il a bu. Sa tâche est accomplie, que son corps donne à manger et à boire, qu'il restitue sa vie au soleil, père de toute vie. Ainsi soit-il. D'un effort suprême, Papa Cal crispe ses paumes sur le sol, redresse son buste. Un centaure ne meurt point couché. Autour de lui, il promène ses derniers regards, sourit à droite, sourit à gauche. Puis, ses yeux profonds fixés devant lui sur la Vierge blanche, il commande sans baisser les paupières. Frappe. Le bras de Arc s'abat, prompt comme la foudre. Quelque chose de tiède jaillit au visage de Cadilda qui jette un cri et s'enfuit. Le crâne fracassé, la cervelle répandue, Papa Cal gît sur le sable qui boit son sang. Les vieilles se penchent, portent les mains sur sa poitrine et sur ses lèvres. Elles se relèvent et entrechoquent leurs paumes. Papa Cal a cessé de souffrir. Sa vie est retournée au soleil. Alors, à grand bruit, les mâles félicitent Arc de son habileté que tous jalousent et ils se dispersent pour faire la cueillette et se divertir sur la grève. Mais, sous la conduite de Pitina, Quatre d'entre eux saisissent le cadavre et le charrient jusqu'à la lisière du bois, derrière les roches rouges. Toute chair morte appartient au carnassier. Il est juste que celui qui a vécu fasse vivre au lieu de se corrompre, inutile. Couverte du sang de Papakal, Cadilda, d'un élan, s'est précipitée parmi les flots qui ont rejailli autour d'elle. De toutes ses forces, elle frotte sa figure, ses bras et son torse pour qu'en disparaisse la souillure. Que ne peut-elle en même temps laver son âme de l'effroi qui l'emplit? Et, tandis qu'elle laisse les vagues la couvrir et se retirer tour à tour, elle entend les éclats de rire des centaures et les voit reprendre leur jeu. Et une sorte d'horreur la saisit de leur gaieté ressuscitée. Un vol de vautours décrit des cercles au-dessus des arbres derrière les grottes rouges. Il n'y a plus qu'eux qui se souviennent de Papakal, et un tremblement secoue les membres de la centauresse. Un jour, elle aussi servira de pâture aux bêtes. Cadilda se rappelle le chant de Pitina. Seuls entre les vivants, les écorchés ne laissent point les crocs et les cerfs des carnassiers déchirer leur mort. Et voici que la pensée de la centauresse se révolte contre les malédictions de la vieille et retourne à Naram, l'inconnu à la peau lisse et au clair regard.